Leçon 1. Activités 2 et 3, page 54. Piste 40. Levez les bras, les enfants. Tapez des mains puis relâchez. Pliez les genoux. Levez-vous. Maintenant que vous êtes en binôme. Quelques instants plus tard. Hugo, c'est ton tour. Lève les bras et tape des mains, puis relâche. 10 fois. Waouh, c'est fatigant. Relâche. Maintenant, plie les genoux et puis lève-toi.